2023, la tifo sortait loi. Quand on a cana, il fait transformer en zoa. Pourtant, tout le temps, t'es appel à où, frérot? À mon dallon, t'es dallon, l'animacro.